Prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chance au coureur! Bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à ses fous pendant la semaine. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour 3 heures de ces nouveautés. Cette semaine, petite semaine, une vingtaine de disques qu'on a reçus. Du côté francophone, on va entendre entre autres la trame sonore de la série Les Invincibles. On va entendre aussi du rap avec Damien, Sylvie Jean ou Linéa. Mais on commence par l'album On est Everything de Les Anne Guedes. Et voici En t'attendant, toi, à La Chance au coureur. Sur le divan, on t'attendait, on t'attendait, Very back vocal, where are you, very back vocal? On t'attendait, toi, on t'attendait, on t'attendait, toi, on t'attendait, on t'attendait, Very back vocal, very back vocal, very back vocal. Toi, on t'attendait, on t'est assis, sur le divan, on t'attendait, on t'attendait, Very back vocal, where are you, very back vocal? On t'attendait, toi, on t'attendait, on t'est assis, si sur le divan on t'attendait, on t'attendait, Very back vocal, where are you, very back vocal? On t'attendait, on t'attendait, on t'attendait, on t'attendait, on t'attendait, Very back vocal, very back vocal. Et Anne Guedes, avec On t'attendait, toi. Voici leur single, 5 à 7 de leur album On Is Everything, à La Chance au coureur, à C'est Fou 89 FM. Wow! Et c'est leur single 5 à 7 de la formation Les Anne Guedes. Voici le blues du bout des lèvres. Géant, Demil Blue. Géant, Demil Blue. Géant, Demil Blue. Géant, Demil Blue. Géant, Demil Blue. Géant, Demil Blue. Trois courtes pièces de Léanne Guidès. À la chance ou quoi? On va laisser continuer l'album pendant qu'on parle d'eux. On a entendu En t'attendant toi, ensuite 5 à 7 et puis le blues du bout des lèvres. Là, on va entendre Boisson énergétique. Le tube de l'été, le single 5 à 7 des Anne Guedes, sorti de l'album On Est Everything le 19 juin. Les mots manquent pour coucher sur papier les Anne Guedes. Ces trois musiciennes de naissance, adeptes du chant public, ne demandent pourtant qu'à se coucher à vos côtés. Une ouïe fine, des visages de gothique endormis et beaucoup d'ambition, ensemble toujours, lead back, back lead et very back vocals nous chantent des mots aussi enivrants que je suis trop dedans ou encore ma bière c'est mon souper et se plaisent à nous annoncer la mort récente d'Elvis Presley. Donc le document de presse écrit par eux et par leur étiquette dit ensuite, puis des rimes en voulez-vous, parce qu'elles savent rimer en plus. On est peut-être vulgaire, mais on fait pas la guerre, et j'ai besoin de ma poudre pour mon coup de foudre, de la poésie de haut niveau. Le Slim Shady peut aller se rhabiller. Les Anne Guedes font partie d'une catégorie à part, chanson ou théâtralité. Cette question est exagérée. Même si les Anne Guedes clament que la performance demeure leur meilleure excuse, vous ne vous lancerez pas de leur voix de sirène ravagée par la boisson en écoutant leur record. Ces visionnaires du futur ont tout de même pensé aux fans de Vintage Circa début 2000 en offrant You Mid, une chanson version montréalaise de l'Euro Trash. Suivez et partagez leur carrière grandissante, vous pourrez retrouver le premier opus de ces pionnières de la nouvelle musique de chambre accouchée sur l'étiquette French Mon Record dans tous les bons et pas pires disquaires dès le 19 juin. Lead Back, Back Lead et Very Back Vocals seront en spectacle pour le lancement de leur record le 22 juin au Zoo Bizarre. Donc, 22 juin, si vous écoutez en direct la chance au coureur le vendredi matin, c'est tonight, ce soir, au Zoo Bizarre. Les critiques sont unanimes. Moi, je continue à lire ça parce que je trouve ça vraiment drôle. Les critiques sont unanimes. Kevin dit « C'est une joke, right? » Anonyme dit « Dans n'importe quoi, elles l'ont l'affaire. Ça sert à rien. » Tracy dit « Elles ont beaucoup d'amis. Ça doit aider les ventes. » Réponse à Kevin, ça va vraiment sortir un disque et quelqu'un va acheter ça. Hein? Et Doudou dit « J'espère que c'est fait sans sérieux. » Et Anonyme dit « Elles en ont pas fait des... Elles en ont pas des feelings, ces filles-là, croyez-moi. » Dur, allez. Et puis on a reçu un téléphone pendant la deuxième pièce qui nous disait que c'était vraiment, vraiment mauvais et qu'ils ont même appelé au directeur musical de C'est fou pour lui dire de venir nous arrêter. Enfin... On continue parce qu'on a beaucoup, beaucoup de temps et très, très peu d'albums cette semaine, comme vous le voyez. Donc, les Anne Guedes, leur album On Est Everything est sorti le 19 juin et je rappelle le spectacle de lancement. C'est ce soir, le 22 juin, si vous écoutez en direct, au Zoo Bizarre à 22h. Zoo Bizarre qui est une place à Montréal. Hein? C'est le fun. 15 secondes avant la fin de la sixième pièce de l'album, vous voyez que les pièces sont très, très courtes. Il y en a 15 en tout. Celle-là s'appelle En anglais. On s'en va entendre la septième. Voici dans quelques secondes à peine, à votre émission de nouveautés musicales, la pièce You Mid de Les Anne Guedes. À la chance au coureur. It's hard to stay, Matt. Humid, l'album s'appelle encore une fois On Est Everything, c'est les Anne Guedes. Voici au Linéa avec leur album L'Ordre des Choses, à la chance, au courage. Yeah. Formation Olinéa avec la pièce Les hostilités de leur album L'ordre des choses. Parlons de ces Olinéa. Olinéa rock tropical concrète. Est-ce que ça veut dire du ciment ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment concret? Ils viennent de Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. L'album sort le 10 juillet en magasin. Leur site web olinéa.com, O-L-I-N-E-A. Les membres sont Julien à la voix première et la guitare du milieu. Surpiche à la guitare de gauche et au piano. Félix à la guitare de droite et voix deuxième. Mom à la basse et Maxime à la batterie. Issu de la prolifique scène musicale de Saint-Jean-sur-Richelieu, Olinéa nous propose un son rock puissant et actuel, dit leur petite biographie sur myspace.com/Olinéa qu'ils ont écrit eux-mêmes. Formé en 2001, le groupe consacre 3 années à la composition et forge progressivement son identité. Cette évolution se fait en parfait accord avec les ambitions musicales des membres et les réactions du public. Olinéa enregistre une première démo en 2002. Cette carte de visite permet au groupe d'élargir son réseau de contacts et de se produire fréquemment en spectacle. Tirée de ce démo, la pièce Roadkill se retrouve sur la compilation 109 Rock lancée en 2003. Le groupe participe également à la compilation La Plaie 2 avec la pièce Weather. Ce disque paraîtra bon chez Slam Disc, etc., etc. Le groupe entre en studio pour y enregistrer un premier album complet qui s'appelle Straight Line Strategy, réalisé par Franck Joly qui a travaillé avec Sub, Vulgaire Machin et Extérieur. Cet album se veut parfois riche et complexe. Ensuite, le groupe s'associe à Slam Disc qui compte dans ses rangs Extérieur, Map, OK Volca et TWA, j'allais dire toi en lisant. Au début de 2006, le groupe entre en studio pour une série de pré-productions qui mèneront à l'enregistrement enfin d'un premier album francophone. La sortie est prévue pour le printemps 2007. Ça tombe bien parce qu'on l'a ici. Ça veut dire qu'il doit être sorti. Il sort le 10 juillet, je l'ai dit tôt. Olinéa, leur album s'appelle L'ordre des choses. On écoute une deuxième pièce. Voici tout de suite le Tumeur maligne à la chance. Au courant. Olinéa, ça me fait penser au dessin animé avec la petite ligne, tu sais. Tu sais, c'était fond bleu, il y avait une ligne blanche, là. Ça s'appelle l'alinéa. T'avais juste la ligne qui faisait comme les personnages. Longue phrase, sans excès. J'ai la confiance déguisée. Longue phrase, habituée. À m'effacer, longue pause cachée. Détaché sans faire trop de bruit. Sans faire trop de bruit. Une issue dessinée. au Linéa avec leur album L'Ordre des choses et la pièce Le Passager à la chance au coureur. Juste avant, c'était la pièce Tumeur maligne et avant, c'était Les hostilités. Au Linéa qui vont être en spectacle au Vestiaire le 10 juillet à 17h à Montréal. Le 12 juillet ensuite à 18h30 en show extérieur avec Kodiak à Sorel. Le 14 juillet à 20h au Café Le Fleur de Saint-Jean-sur-Richelieu et le 18 août à 20h au Metric Bar aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour plus d'informations sur le groupe, allez voir le olinea.com, olinea.com ou encore myspace.com/olinea. Vous allez pouvoir entendre d'ailleurs des pièces, même les trois pièces qu'on a entendues aujourd'hui, Les hostilités, Tumeur maligne et Le passager. Voilà pour Olinea. Maintenant, on passe à une artiste qui s'appelle Sylvie Jean. Quoi d'autre? Sylvie Jean avec Déjouer le vent. Sa pièce s'appelle Tes yeux fâchés, Terrible 2. On s'en va entendre tout de suite et on parle d'elle plus tard à la chance. Au coureur à la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est Fou 89.1 FM. Tu te lèves de travers, on sait plus quoi te proposer. Plus rien qui fait ton affaire quand t'as mis tes yeux fâchés. Va falloir que tu changes d'air ou que t'ailles te recoucher. T'as vraiment trop l'air en calvaire, tu peux même plus t'endurer. Sais-tu que t'as mangé la semelle de bottes enragées? Sais-tu mes espoirs perdus dans le bain des idées noires? Va falloir que ça s'arrange. Où est passé mon petit ange? Réponds-moi gentiment. On s'en va chez grand-maman. Comment ça, ça t'entend? T'as plus le goût d'être cajolée. T'es tombé dans le chocolat. Là, tu veux des chips salés. Mais grand-maman nous attend pour souper végé santé. Lâche le chien, envoie-le, m'en va t'en faire des nouilles. Paraît qu'il faut pas s'alarmer, Terrible tout va passer. Mais maudit qu'à chaque souper, je me demande ce que j'ai raté. Si tout se joue à 26 ans, on est foutu, c'est pas malin. Tu défies toutes les recettes vendu par les psys du net. L'isolement sur un banc, de la patience en attendant. Faut comprendre, faut attendre, faut pardonner les coups de pied. Mais là, maman est crevée. L'heure du dodo est passée. Jusqu'à demain matin. Retour plus de Sylvie Jean et la bande sonore des Invincibles à la chance au coureur. Vous écoutez La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. On écoute un deuxième extrait de Sylvie Jean, voici Du bout du monde, de son album Déjouer le vent. C'est La Chance au coureur. Errant dans Montmartre à Paris, ou sous les arbres carrés Saint-Louis, je reviens à ces personnages que je suis pas devenu. Étant trop sage, du bout du monde, je vois les avenues que j'ai pas prises, que j'ai pas vues. À contresens, ma vie toute nue, à mille milles du gars des vues. C'est comme si je m'étais trompé de scénario de vérité. Rêve oublié sur l'étagère, enseveli sous la poussière. Thank you. comme dans un film de Woody, étrangère à ma propre vie, baignée de nouveaux éclairages au sommet de mon courage, goûter enfin ce que j'ai manqué, jouer les fantômes en liberté, fragile, éphémère en sursis, Cendrillon avant minuit. Laissez-moi juste revoir 16 ans, tenir la main de Nelly Gunn, finir par écrire mes romans, machine à voyager dans le temps. Laissez-moi juste revoir le temps, chausser mes souliers de fillette, prendre la poudre d'escampette, m'évader de mon poids dormant. Laisse-moi juste déjouer le vent, naviguer contre le courant, ouvrir mes yeux adolescents. Laissez-moi croire que j'ai le temps. Jean avec son album Déjouer le vent et deux pièces du bout du monde, et avant c'était Tes yeux fâchés, Terrible. Tout à la chance au coureur. Parlons un petit peu de cette Sylvie Jean. Native du lac Saint-Jean, Sylvie Jean est une auteure, compositrice, interprète hors norme, profondément originale, dit son document de presse. Elle nous propose aujourd'hui son premier album professionnel avec des chansons à la fois douces et puissantes, portées par une voix particulière qui charme et enveloppe. Sylvie Jean a été remarquée par Edgar Bory, qui a d'ailleurs produit cet album où elle est accompagnée de musiciens de renom, dont Francis Covent, qui a travaillé avec Michel Rivard et Bia, Jean-François Groux, qui a travaillé avec Bory et puis Louise Forestier, et Catherine Major. L'album est intitulé Déjouer le vent et il est maintenant distribué par Local Distribution. Un disque à découvrir pour les amateurs de beaux textes et de mélodies envoûtantes. Voilà! On a entendu donc deux pièces, on va l'entendre une troisième dans quelques instants. Et plus tard, restez avec nous parce qu'on va passer un petit peu de rap, ce qui est hors de nos, habitudes. On va passer le mixtape Jack volume 1 et Damien avec Plus que jamais. Et, comme je le disais tantôt, la trame sonore de l'émission Les Invincibles, dont le thème de Hero Stake est très bon. Donc voici Sylvie Jean avec sa pièce Silence. On tourne à la chance. Au courant. Ah, c'est fou, 89 FM. 6h20 du matin, la fatigue des demain. Vidé du bain de foule, des heures où ça déboule. Dis-moi où je suis rendu, en fait je l'ai jamais su, en courant dans ma roue, j'en ai perdu. L'inquiétant carnage. Silence on tourne de Sylvie Jean. Son album s'appelle Déjouer le vent. Si vous voulez en savoir plus sur elle, allez voir le www.sylviejean.com. Maintenant, on change complètement de style. On écoute quelques pièces de la mixtape Drac Volume 1. Et voici un artiste que j'ai choisi pour son nom. Kung Fu avec Wong Sifu. Yeah, amène les Chuck Norris. Amène les Van Damme, Steven Seagal. Amène les tout. Pow! Yo, ici c'est la Drac Cave. Avec ma man Matt. Drac. C'est pour le mixtape, you know? Je fais un gros step back in the game. On rap avec the same, c'est juste qui fit plus in the frame. Bitch, on fait du original type shit. Fait que je kick avec un new style de combo real quick. Wouah! Ski qui pète la gueule à qui? I'm Van Damme Steven Seagal. Check le fight to move the egg roll. J'laffe mon ass parce que juste du fucking homo. J'suis guillon, pour le gars qui va se coucher avec des kids comme Michael. C'est rendu crazy, le monde dans lequel on vit. Don't fuck with the new kid on the block. C'est sûr qu'il y a un Glock, c'est sûr qu'il va pop. Nah, j'suis pas un gangster. Mais j'fais du gangsterisme, vole-moi un beat, pis j'le recrute pour qu'il kill toute ta clip. C'est comme ça que j'deal, no shit pour que tu files. Hip hop dans ta ville, shit's real, tu fuck avant que j'chill. Hit sur le gong, lyrical kung fu qui frappe, c'est le wong. Rappable move, c'est que j'kick sur le song. Anyway, j'veux juste faire mon affaire pis j'suis fait que j'hit sur le gong, lyrical kung fu qui frappe, c'est le wong. Rappable move, c'est que j'kick sur le song. C'est quoi l'affaire? C'est que j'bouge plus vite que mon ombre. J't'amène du hip-hop avec mon rap. Really hot shit, fait que c'est fat. Si t'écoutes, bite mon style. Passe à l'aide et trop d'art, j'veux que le monde me file. J'crazy, c'est vrai man, j'suis le bon si. J'kick tout partout pis j'donne de grand amnesty. Là j'ai faim, faut que j'bouge, faut que j'fasse des moves. Pour avoir du pain, quelque chose qui groove, qui shake tout le souterrain. J'suis tough talk, faut qu'on walk dans même route. J'fais partie des gars qui veulent pas la grosse route. Écrire, c'est comme faire du kung fu. J'ajuste mon style pour que ça frappe jusqu'à chez vous, yo. J'te master, est-ce que j'keep the shit real? Yes sir, so, tu peux même fucker moi pis toute ma clique. Seulement si t'es nice pis tu te bounces les tits. Sur le gong, lyrical kung fu qui frappe, c'est le wong. Rappable move, c'est que j'kick sur le song. Anyway, j'veux juste faire mon affaire pis j'suis gong. Fait que j'hit sur le gong, lyrical kung fu qui frappe, c'est le wong. Rappable move, c'est que j'kick sur le song. C'est quoi l'affaire? C'est que j'bouge plus vite que mon ombre. Gros beat qui rentre dans ton membrane. Hot shit, hip-hop sans les gros chaînes. Pour le rap game, chaque jour j'me tue comme Kurt Cobain. J'work mon brain, j'travaille fort en studio sur une scène. Yow, donne-moi un mic, j'rap, donne-moi un bâton pis j'frappe de quoi qui j'affaque. J'pense qu'y a pas trop de chiens qui vont sauter dans mon back. C'est du straight spit rap and effect. Yeah, kid, break ton neck. J'kick avec un gros beat, slick flow, super style, check yo. Ça c'était la recette du vrai général Tao. Quoi? Tu veux plus de sauce, t'as juste à monter la base. C'est comme ça qu'on fait les choses, monter jusqu'à in the space. C'est comme ça qu'on s'évade, les scénarios, pas dingue, j'ai le beat comme image. Let's go, let's bounce, faut que je pack mes bagages. Go. Hit sur le gong, lyrical kung fu qui frappe, c'est le wong. Rappable move, c'est que je kick sur le song. Anyway, je veux juste faire mon affaire pis je suis gong. Fait que je hit sur le gong, lyrical kung fu qui frappe, c'est le wong. Rappable move, c'est que je kick sur le song. C'est quoi l'affaire? fait que je bouge plus vite que mon ombre. Son sous-coureur. Vous êtes assez fous. Juste comme ça. Check this out. C'est là, ouais, on fait ta place, hein. J'ai s'entrevoir qu'une partie de ma face, y'a qui s'enlace autour du micro. Ouais, j'suis pro-crasse, pas pro-classe. Depuis des années, j'm'enracine, j'm'encrasse dans une routine. Ouais, qui m'assassine, poigné dans le cube, ma prison cathodique. Me dicte la chose à faire, pour l'instant fatidique. Ouais, mais ça me fascine, oh, puis ça me façonne. Une pensée dure comme la pierre, comme les murs de Carcassonne, hein. Quand les bombes drop, y'a, j'te dis que ça sonne. Le son on décolle, maudit que la base est bonne. Mais c'est comme ça, 84 style. Big brother, un homme, Chris, de métaphore sale qui maintient au ras du plancher. Couché d'un tranché, j'fuis la police, la pensée. Armé jusqu'au dard, en pleine vanité. Blessé au flanc haut, j'reste accroché au beat, au flow. Ouais, toute la journée, la réalité se dessine sur le bois de la cité. Que c'est dissipé, fier dissident, loin des décidants. Mais toujours prêt à m'émanciper. Cidant, reclus dans mes appartements. Tu vois de bon demain, les mille et une facettes du firmament. Mon vol d'en face, poigné dans ma carcasse. J'esquive tes sarcasmes basses. J'te fasse like this, you better run fast. Cause I'm about to blast ton ass just like that. Make your head full of flashback. Mais panique pas, c'est ton ego qui fight back. Relax, watch me hit the track, just like that. Mon mécanisme au métal, mon kit détracte. Yeah, mon mécanisme au métal qui détracte. Puis bâti dans mon tank, jeune homme bombardier. En dépit de ma sac, j'continue de bombarder. Ma populace macaque, fait tomber ton armé. Le sang s'étale, mais j'reste bien concentré. Ramassé, fuck that shit, j'vais m'élancer. Toutes les occasions en bonne, ouais. Pour relancer des attaques furtives, pour terrasser mes ennemis sans sursis. Yeah, the fact is, I'm about to blow your mind with some fat trick, ouais. C'est comme de bad, faut que ça clique. C'est comme des bannets shit. Mais faut que ça flip tout tourne. On the ride, yeah, faut que ça grand. Mécanisme mon métal, pyromane de ses dames. Macaque, macabre, qui exalte le drame. Mon univers carcéré, c'est un mais ça me fait perdre mon calme. D'entendre le bruit de mon arme qui crame. Je ferme ma gueule puis je rame. Je continue d'avancer, ipso facto, juste pour t'offenser. Caresse le sentier, celui qui en sort se brosser. Ma rétro-pensée, celle qui me tue depuis des années. J'suis plus capable de t'entendre. Y'a le son des camps, viens s'asseoir sur ma tempe. Me caresse tranquillement la détente. Toujours seul la prétendre, qu'on prendrait par mes cendres. Mais c'est comme ça que j'suis, ouais. Un abruti, un homme fusil, fusillé par sa vie. Et Mr. Gunshot, yeah, are you ready to kill your president to set yourself free? But I ain't through, I'm still lost in this zoo. Plunging with the devil, I'm going straight cuckoo. Do you feel the way they can sue you? Baby dollar devil on the way to control you. But you gotta make a fast move. Sit back and relax in the shack, just stay cool. Watch me fly by, watch me set up the mood. Mon mécanisme, mon métal lit up the whole room. It's just like that. Check it out. Go to pursue is my flow 1-2. All my shit just fell through my universal mind fool. Can you feel my cold cut running through your spine? See, I'm the one who drowns, but you're the one who feels free. Watch how we flow through, no way to run to. Only let the motherfucking flies in your head fool. Watch how we let loose, no holes around you. All my shit's clear, so let's tear up the roof. Mécanisme au méthane de l'artiste Cubic et de l'album Mixtape Drac Volume 1. Allons-y dans l'ordre un peu parce que c'est assez spécial. C'est une compilation de différents artistes qui travaillent sur des beats par Drac. Donc commençons par les beats de Drac. C'est du hip-hop dub électronique de Montréal, Québec. Ça dit « Beat bangers, mais bass, drum, kick des culs ». C'est son slogan sur le myspace.com/Drac, D-R-A-C-K-Q. Vous pouvez aussi aller voir le drac.kacane.com, K-A-C-A-N-E.com. De toute façon, les liens sont déjà sur le unechance.com. Si vous voulez y aller en ce moment même, ils sont déjà là. Donc, la mixtape Volume 1 de Drac avec MC La Sauce, Jeune Chili Chill, Wang Sifu, Jean Joal, Mixed Productions, Filigrane, Comar, Cubic, Maître J et Zoo ND Audio Files. Les beats, encore une fois, sont par Drake, je sais pas. Vous pouvez télécharger les pièces gratuitement en zip ou encore les télécharger séparément sur le myspace.com/drac. C'est un beau petit projet comme ça. Vous pouvez aussi entendre des pièces sur son MySpace. Maintenant bon, qu'on a parlé des beats de Drac, parlons un petit peu des pièces en particulier qu'on a entendues. On a commencé par Kung Fu de Wang Sifu. Wang Sifu qui est de Longueuil et Montréal. C'est du hip-hop rap. Wang Sifu, a.k.a. le Général Tao, a.k.a. Pol Pot. Influence Busta Rhymes, Bootcamp, Biggie Small, Big Fun, Bone Thug, Wu-Tang et plusieurs autres. Vous pouvez télécharger des MP3 et... non, surtout les écouter sur le myspace.com/ Wang Sifu, Wang W-O-N-G-S-I-F-O-U. Ensuite, on a entendu la pièce Mécanisme au méthane de Cubic. Cubic Dust est son adresse sur MySpace, Cubic K-U-B-I-Q Dust. Vous pouvez entendre des pièces Le Cube, Spit Serum et Blue Love là-dessus. Et puis Cubic.mc ou encore, c'est ça, Cubic.mc on the mic et Drac on the beats, que ça dit. Ashes2dust.com, A-S-H-E-S2dust.com. Ça en fait des choses à retenir. Hein. Mais encore une fois, passez par l'unechance.com, tout est là. Une chance qu'on a, unechance.com. Voilà pour la superbe compilation de Mixtape Drac Volume 1. On jette ça vers la gauche pendant qu'on passe au dernier album de rap pour cette semaine, Damien avec Plus que jamais. Et on va entendre deux pièces, Les gars comme moi avec DJ Blast et son single Je veux plus travailler. On parlera de Damien plus tard à la chance. Au coureur! Ah, c'est fou, 89 FM! Voilà, de Montréal à Alma, de Sept-Îles à Ottawa. Le monde en parle, c'est sur mon beat à moi. Pendant que DJ Blast déplace les scratchs, y'a des B-boys, des B-girls qui s'installent. Faut que le public bouge la tête, ça c'est le principal. Je garantis qu'ils vont en avoir pour leurs 15 balles. Check le jam, comme à la vieille école. Damien, je passe du futur à la vieille époque. Avec un son fait sur mesure pour que la vieille folle en haut de chez toi puisse crier. Normal, j'ai un 12 pouces dans mon salon. J'ai même un homme que je l'ai laissé dans mes pantalons.

plus capable du travail. Le deuxième album solo de Damien. Oh, oui. Plus que jamais. À la chance au coureur, c'était la pièce « Je veux plus travailler » avec Dupuis de son album « Plus que jamais ». Juste avant, c'était « Les gars comme moi » avec DJ Blast. Donc, Damien présente son deuxième album en tant qu'auteur, compositeur, interprète et réalisateur. Intitulé « Plus que jamais », il comprend 11 chansons et 3 pièces bonus. « Plus que jamais » est un album plus rock, plus rap, plus mature. Il confirme le retour en force de Damien 2 ans et demi après la sortie de son premier album, dit son document de presse. Au cours des dernières années, Damien s'est fait remarquer au Québec avec quelques succès, dont la reprise du blues du businessman de Claude Dubois, rebaptisé « J'aurais voulu ». Il a été nommé sacré talent par Espace Musique de Radio-Canada, coup de cœur par le réseau Centre et a mérité plusieurs nominations dans des galas d'envergure à Montréal et à Toronto. En 2006, il a aussi été invité à Paris pour le Techno Parade, tout ça après avoir vendu plus de 10 000 copies de son premier album éponyme. Donc, Damien a choisi comme premier extrait « Je veux plus travailler », on l'a entendu en duo avec Dupuis. « Je veux plus travailler » décrit la réflexion que Damien a eue le jour où il a quitté son emploi pour se consacrer à sa passion. Depuis son lancement, le vidéo de « Je veux plus travailler » a fait un tabac sur les ondes de Musique Plus, dit encore une fois son document de presse, réalisé par Louis-Philippe Hinault chez New Films. Ce clip nous permet de découvrir les talents d'acteurs jusqu'alors insoupçonnés de Damien. L'enregistrement de l'album « Plus que jamais » a débuté en juillet 2006 au Studio de Arte, entouré de Pascal Desjardins, DJ Blast, Dupuis, Papaz, ainsi que de musiciens avec qui il travaille depuis 2 ans. Damien a poursuivi sa démarche. Avec « Plus que jamais », il nous transporte de nouveau à travers un amalgame de styles ayant tous en commun sa poésie rap. En passant par le rock, le reggae, le blues, le slam et le latin, Damien se révèle enfin. Certaines de ses nouvelles compositions sont plus engagées, comme la chanson « Certaines de mes réflexions » qui fait référence à la guerre en Afghanistan, aux tueries dans les écoles et au phénomène des gangs de rue, et la chanson « Sortie de la rue » écrite pour le magazine « L'itinéraire » qui raconte l'histoire vraie de jeunes en réinsertion. Rempli de rêves et de défis à relever, Damien fonce plus que jamais dans la vie. Voilà, l'album s'appelle encore une fois « Plus que jamais », c'est le deuxième album solo de Damien. Pour plus d'informations sur Damien, allez voir le www.albumdamien.com, albumdamien.com, ou passez par le site de La Chance au coureur, où tous les liens sont mis à jour en temps réel, sur le www.unechance.com. Voilà pour Damien, on passe à la trame sonore, ou comme il l'appelle, la bande sonore de l'émission Les Invincibles, qu'on a reçue cette semaine assez fou dans notre camion de nouveautés. On écoute, évidemment, on peut pas vraiment passer à côté de la chanson thème. Voici The Hero's Take, chanson thème des Invincibles, à la chance au coureur. Yeah. retour d'autres pièces des Invincibles et Two Hours Traffic à la chance au coureur. Qui découvre avec vous les nouveautés musicales reçues assez fou pendant la semaine. Et oui, mes talents de chanteur ne sont pas tellement là. Donc, on écoutait la première pièce que j'ai choisie. En fait, la première pièce que j'ai choisie, oui, c'est vrai, de la trame sonore des Invincibles. J'ai choisi, évidemment, I Wanna Be Sedated. Vieux classique, c'est rare qu'on puisse passer de vieux classique comme ça à la chanson coureur. Donc, j'apprécie toujours la trame sonore des Invincibles. En passant, si vous voulez, la sonnerie musicale de Heroes Take. On a entendu la chanson thème tantôt, sans faire de publicité outrance. Envoyez le message texte HERO1, H-E-R-O-1, au 311-311 pour la version instrumentale ou encore pour le refrain de The Heroes Take, envoyez le HERO2 au 311-311. Moi, je connais pas tellement la série Les Invincibles. On m'en a parlé très souvent. J'ai pas encore pris le temps de l'écouter, mais je vais lire un petit texte qu'il y a dans le livret du disque. Je vais peut-être nous donner un petit aperçu dans la tête de la personne qui a réalisé et écrit cette série-là. Avec le recul et deux saisons dans le corps, je crois que les Invincibles ont calmé la rockstar frustrée qui sommeille en moi. Outre les comic books et les androïdes féminins extraterrestres, la musique est pour moi essentielle et vitale. Elle m'a inspiré des scènes, des ambiances et m'a bien servi à réaliser certains des bons moments de la série. En tant que gratteux de guitare professionnelle de sous-sol, je remercie Kim Bingham, dont on parlera tantôt. Donc, je remercie Kim d'avoir accepté de se joindre aux Invincibles et d'avoir su apaiser par son talent et sa sensibilité mon désir de propager du rock and roll. Aujourd'hui, ce désir prend la forme d'un album, le nouveau-né de la famille. En deux saisons, le nombre de pièces et d'interprétations réalisées par Kim fut impressionnant. Il a été difficile et souvent crève-cœur de choisir seulement 12 morceaux. S'il n'en tenait qu'à moi, j'aurais sorti un box set. Mais je crois que nous y sommes arrivés et que cette sélection représente bien les deux premières saisons des Invincibles. Désormais, ces chansons n'appartiennent plus seulement qu'à la série et à votre écran télé. Elles sont à vous, à vos radios de voiture et vos iPods. Comme on dit en anglais, enjoy. C'est un texte de Jean-François Rivard, le réalisateur et co-auteur des Invincibles. Maintenant, Kim Bingham, la réalisatrice et compositrice des pièces, dit, et je cite, « Il y a quelques années, Jean-François Rivard m'a contacté pour me demander si je serais intéressé à faire la musique pour une télésérie qu'il était en train d'écrire avec son ami François Letourneau, avec l'espoir qu'un jour, peut-être, on en ferait une trame sonore. Le voilà maintenant réalisé pour vous et grâce à vous, les fans des Invincibles. Merci à vous tous, les fans, les téléspectateurs et surtout à Jean-François Rivard pour avoir mis sa confiance en moi. Cette expérience est devenue une des plus merveilleuses de ma carrière. J'espère que ce sentiment se traduit à l'écoute de l'album. J'adore la musique qu'ils ont... En tout cas, j'adore certaines pièces, disons, qu'ils ont choisies sur l'album. On va entendre une pièce qui... Borderline, pour ces fous, je dirais, voici Kids in America. À la chance au courant, l'émission des découvertes musicales. Sauf cette pièce-là. Assez fou, 89.fr. De la trame sonore des Invincibles. Voici quelques exemples de d'autres pièces sur l'album. Every Breath You Take, Every Rose Has Its Thorn, Veronica, I Don't Wanna Grow Up, Oh Daddy, The River. Ça s'appelle Bande sonore Les Invincibles. Maintenant, on passe à Corby Wright de l'album All the Little Ways. Voici Love Will Win. À la chance au courant. That love will win. J'hésite des fois à couper des pièces parce que je veux respecter ceux qui aiment ça, OK? Mais c'était probablement 5 des minutes les plus plates que j'ai vécues de toute ma vie jusqu'à maintenant, OK? Et je pense que j'aimerais mieux rien entendre qu'entendre ça. Je veux pas être plate, là. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, mais moi, ça m'a emmerdé rare. Donc, je vais dédier à cette pièce le fait que je mettrai pas du tout de fond pendant cette intervention pour que ce soit plus silencieux pour pouvoir reprendre mes esprits, OK? Corby Wright, folk country expérimental de New York, New York. CorbyWright.com, C-O-R-B-I, Wright, W-R-I-G-H-T.com. C'est à peu près ça. MySpace.com, /CorbyWright pour écouter des pièces si ça vous tente. Maintenant, on passe à une formation de punk pour faire complètement différent. Voici de l'album Street Music, voilà, de la formation Trip the Off. Voici Rock Bastard. Je suis presque revenu, là. Ça s'en vient. C'est La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales, quelconque style confondu ensemble. Coq à l'âme. Baby from the streets, we got music from the streets, baby from the streets, music from the streets, yeah, baby from the streets, when you walk around the town on your feet. Send weapons, it's what you leave you behind. It's got the street music, baby, I ain't nowhere to find. It's really creeping up the alleyway. Listen what the DJs play. We got the club street music when there's bliss and beers are okay. So go ahead and boost the bass, or we'll explode in your face. We got a fragrance so tough, you think that it was a miss. Here to put the labels back into their place. With the bass in your face ahead, I with no disgrace. Oh, oh, hey, hey. Five bits deep, oh, go away. Oh, oh, hey, hey. That scene spins around, I'm here to stay. C'est La Chance au coureur. Yeah, Trip the Off avec In the Ghetto, précédé de Street Music, de leur album Street Music. Deux pièces de cet album, on va en entendre une troisième dans quelques secondes, mais avant, parlons un petit peu d'eux. Trip the Off, c'est un autre groupe qui ont décidé d'ajouter une petite feuille avec les pièces révisées de leur album. À mon avis, OK? À la place de faire ça, pourquoi ne pas simplement, si vous avez fait une erreur, les laisser comme ils sont là, ou sinon, vous prévoir d'avance et décider l'ordre correctement et l'imprimer comme faux sur l'étiquette. Juste ça de même, tu sais. Enfin bon, donc Trip the Off, parlons tiens, de ce groupe. myspace.com/TripTheOff, T-R-I-P-T-H-E-O-F-F, un groupe de reggae ska punk de Montréal. Hein? Montréal, Québec, Canada. Les membres sont Kayman à la voix et la guitare, Alex à la basse et aux back vocals, Kodko aux percussions et back vocals, Mark ou Mark à la batterie et Jag en tant que membre invisible. Les influences sont Bob Marley, The Sex Pistols, The Clash, Toots and the Metals et Steel Pulse. Et la biographie est en anglais seulement, si je vois bien ici, oui. Donc, que ce soit du punk ou du junk, old school rap ou heavy funk, I'll ride that bitch backwards while I'm eating my lunch. Wow, c'est très, très beau. Donc, Trip the Off avec leur album Street Music. On écoute notre dernière pièce. Voici Rock On. À la chance. Au coureur. Got a job to do. You know the boys are rocking hard. Ain't nothing new. I've seen your pictures on the news. I've seen you rock out in the new rock on. Rock on. Rock. Maybe once in a while when I see a smile brings me back, but it's been a while. Dig you, girl, I dig your style. Stack that shit up in a pile. Rock. Well, that's alright. See the boys outside, Lord, he wants to fight. He sees the world in black and white. Doesn't know his wrongs from right. Rock on. Rock on. Sorry, baby, world's going crazy. Yeah, I think I like it. Avec Rock On de leur album Street Music à la chance au coureur. Trip the Off, qui en passant comme ça seront au spectacle à Sorel le 28 juin à 21h au pub O'Callaghan. Il y a beaucoup de spectacles au pub O'Callaghan, on dirait. Et ensuite, le 11 juillet à Sorel au festival de la Giblotte, festival extérieur. Le 4 août au The Pound à Montréal, c'est sur Richemont, coin Notre-Dame. Le 22 août au Dagobert de Québec sur Grande Allée, c'est pour le Trip the Off et The One Night Band. Celui du 4 août, je sais que ça fait beaucoup de choses à retenir, mais c'est pour le bénéfice du cancer, au cancer du sein, c'est ça. Voilà. Et le 29 août, Velvet Underground à Toronto. Si vous voulez voir les spectacles, allez voir le myspace.com/TripTheOff, où ils mentionnent aussi qu'ils cherchent un nom pour le personnage dans leur logo, parce que leur logo a un bum en train de fumer, je crois, quelque chose. Donc, les suggestions jusqu'à maintenant, Tito, Claude, Smokey, Gangy, Amsterdam, Munchies, Cornelius, Liebert, Twiggy, Chuggy McGee et Magically Delicious. C'est vraiment beau. Maintenant, on passe à un groupe canadien qui s'appelle Two Hours Traffic. Si je me rappelle bien, il y avait un groupe américain aussi qui s'appelait Two Hours Traffic, donc il ne faut pas les confondre. Ils viennent de Charlottetown, dans l'île du Prince-Édouard, et on écoute tout de suite la pièce Nighthawks. À la chance au courant, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, au 89.fm. Retour plus de Two Hours Traffic et Language Arts à la chance au coureur. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé la version américaine de Two Hours Traffic. Soit c'était, soit ils sont terminés, ils n'existent plus, ou c'était dans ma tête. Mais on continue avec une autre pièce de leur part. Voici Stuck for the Summer à la chance au coureur. chance au coureur. Écoutez la musique de demain, aujourd'hui. C'est fou, 89 ans. Jusqu'à maintenant cette semaine, c'est Two Hours Traffic. L'album s'appelle Little Jabs et on vient d'entendre Jezebel. Juste avant, c'était les pièces Stuck for the Summer et Night Hawks. Two Hours Traffic qui ont beaucoup de choses pour eux, hein, parce que je lisais à l'intérieur de leur petit album que c'est produit par Joel Plaskett. Joel Plaskett qui a eu une pièce très récemment, Drunk Teenager, sur les palmarès de C'est Fou. Peut-être une autre pièce de Joel Plaskett, ça serait peut-être une bonne idée un jour. Invité spécial aussi, Joel Plaskett à la guitare, la voix et le tambourin. Twelve Traffic qui ont déjà eu, eux, une pièce sur les palmarès de C'est Fou qui s'appelait I Feel Naked Without My Cell Phone. L'album est sorti en 2005, donc j'imagine que ça devait être en 2005. Twelve Traffic, donc, c'est un groupe de power pop de Charlottetown dans l'île du Prince-Édouard. Les membres sont Liam Corcoran, Derek Ellis, Andrew McDonald et Alec O'Hanley. Ils sont fans des Beach Boys, de Belle and Sebastian, Bob Dylan, Broken Social Scene et un paquet d'autres comme ça. Ils vont être en spectacle partout au Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse. Et puis, c'est à peu près ça. Pas au Québec, malheureusement. Lil Jab sort le 24 juillet, donc on le reçoit avec une avance, perplexante, si je peux inventer une expression. Vous pouvez voir un podcast vidéo de CBC Radio 3 sur leur MySpace au myspace.com/2HoursTraffic. Vous allez aussi pouvoir entendre des pièces dont Nighthawks, dont Stuck for the Summer, dont Jezebel et New Love. Hein, pourquoi pas? Ou encore aller sur leur vrai site 2HoursTraffic.com. 2Hours, Hours avec un S et Traffic avec deux F. ou évidemment, pourquoi se casser les noix? À la place, vous pouvez aller voir sur le unechance.com, tout est là en temps réel. Je suis en train de le taper maintenant, là. On passe de Two Hours Traffic, qui est un de mes finalistes pour coureur de la semaine d'ici la fin de l'émission. On passe à Language Hearts. Language Hearts, qui est un album éponyme de cette formation, comme ça, dont on va parler tantôt. Évidemment, les membres sont Kristen Cudmore à la guitare classique et les rap vocals. Double Bass, c'est fait par Michael Finn-Vaughan. Les claviers et les gadgets par Matt Dawson. Et la batterie et les percussions par Max Smith. Max Smith. Lis donc comme faut. Donc, Language Arts, voici tout de suite une de leurs pièces comme ça qui s'appelle Filled Up to the Brim à la chanson Coureur. Assez fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Up to the Brim, première pièce de la formation Language Arts avec leur album du même nom. Ici à La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Parlons un petit peu de ces Language Arts. Guitariste classique Kristen Cudmore et le double bassiste Michael Vaughan ont formé ce duo en mai 2004. Les deux viennent de Nouvelle-Écosse, ils sortaient de l'université, ils se sont retrouvés comme ça à voyager partout au pays pour créer ce qu'on pourrait décrire comme... je traduis instantanément, de l'instrumental acoustique inspiré par le classique, le jazz, le hip-hop, mélangé par du art folk Hein? Donc, c'est là que Matt... c'est là qu'ils sont déménagés définitivement à Vancouver. C'est là que Matt Dawson, au clavier et au gadget, il a rejoint le projet, comme ça. Et puis, c'est pendant l'enregistrement de The Baby EP, où il a aidé à la production et où il était ingénieur. En janvier 2006, Language Arts ont été chercher Max Smith pour ses talents à la batterie. Et maintenant, le band comprend 4 personnes. Language Arts a trouvé un équilibre entre les paroles et la musique, disent-ils sur leur site language-arts.net, avec leur nature organique et leur... leur background, comment pourrons-nous dire, musical varié. Language Arts est prêt à intriguer plusieurs publics avec leurs différents styles et leurs différents sons. Voilà qui est à peu près ça pour leur biographie de Language Arts. Encore une fois, language-arts.net. Vous pouvez aussi acheter leur CD à des endroits partout comme ça. Je crois que c'est à Vancouver, mais aussi en ligne. Très bientôt sur cdbaby.com ou encore en leur envoyant un courriel au info@language-arts.net pour 15$ plus les frais d'envoi. Allez voir sur leur site pour plus d'informations. Maintenant, on écoute une deuxième pièce de leur part. Voici tout de suite Overcome It à la chanson coureur à C'est fou 89.fm. Plus tard, on va écouter un petit peu de rap et du heavy metal et beaucoup, beaucoup d'électronique dans la troisième heure. Restez là. Classically trained, as I thought through my thoughts on where I have to play with all the page. And I'm so inspired, there's so many things I'm saying. Others are farming right, and I don't know how they'll play. I'll improvise, and I'm worse than I'll improvise. And I'm confident, I'll improvise. This is rap and dream, and something I've always wanted. I'll improvise, and I'm worse than I'll improvise. And I'm confident, I'll improvise. This is rap and dream, and something I've always wanted. It's time to get my heart going straight. This job makes me feel abandoned. You see evidence of a brain to see my mind's expanding. It's time to get my priorities straight. This job makes me feel of a brain to see my mind's expanding. It's time I never doubt it, but the words aren't there to say about it. If I don't like what I do, hold to the time just to get out of it. It's time I never doubt it, but the words aren't there to say about it. If I don't like what I do, hold to the time just to get out of it. My world is black and white, the world is black and white. Everything in between just seems that way. How can we recognize the face we're about to fight? So perfectly in between, so perfectly ready. We don't bring your stuff on it. Uncomfortable, cause I talk this way, and I am the ones come on it. Uncomfortable, cause I flock this way, wouldn't listen now. I find myself and I'm comfortable, cause I am this way, and he fixes this for me, all over common. C'est la chance au coureur. Prenez part à la culture de demain, dès aujourd'hui. C'est fou 89.1. Dans notre troisième heure à la chanson coureur, notre hommage à la fête du Québec, on change tout ici. On passe tout ce qui est autre, c'est-à-dire le heavy metal, le reggae, la musique du monde et l'électronique. C'est la troisième heure de la chanson coureur à C'est Fou 89.fm. Notre troisième heure de la chanson coureur est constituée de tout ce qui est autre. Et on commence par le rap. Voici Aloe Black avec Blind World à la chanson coureur. What is the world coming to? The way I feel about my life right now is as if I don't do something quick that I might end up sick or homicidal. Appreciate the blessings lingering in my vibrato. Administrate the lessons I'm singing in my recital. Give it another title, call it the daily bread. A special formula you fix to get the baby fed. It's brain food to kind of ooze into a baby's head so he won't be misled. And when the baby's dead, burying where they bury cherry pits to grow a tree up. They cutting down the rainforest looking for space to free up. And paving paradise with parking lots where buildings be up. What is the world coming to? It's really messing me up. I got a brand new nephew in about a year. His lungs will be older than he is from the cloudy air. Not saying cloudy like the molecules of H2O. I'm talking about the factories of fumes, whatever you know. And every time I'm driving, I'm thinking I'm such a coolo. My contribution to pollution isn't very cool though. But what am I to do though? I gotta work to live. And if I happen to be living where my working is, then will I ever learn to celebrate it for my kids? One day I'll have them maybe. But first I need a lady. And will I give her all my time? And will she really love me? And will she give me shelter when the storms are up above me? I know sometimes it be my personality is ugly. And no amount of makeup can make up for that. But now I recognize the game and when I'm up to bat, I'm gonna put a little change into the thinking cap. Because to change the world, you gotta change your mind. We can't go on living wrong inside of the same design. It gotta be that you and me agree to make a difference. Put up a canvas and manipulate the color pigments. To paint a portrait of tomorrow full of all the figments. And your imagination, cause you imaginations at peace and harmony instead of genocidal warring. When borders don't exist and nobody's considered foreign. Mother Earth is respected, animals are protected. Society perfected, capitalism's rejected. What is the world coming to? Almost the end of us. And it's the evils in the world today pretend to trust. How could we let the ashes crumble till they come to dust? I guess that's what is meant to happen if you're blind enough. If you're ready for what is coming, then come on with me. Follow my voice if you can hear it, let the song lift me. Into the graces of heaven's hugs to learn love's embrace. And share with every beautiful face. I place my right hand on my heart and say let me be the start. I pound my fist on my chest and request, allow me to be the test. And when I'm at my best, I can make a Catholic priest complete. Cause guilt is worse than the parasite in the flesh. And the flesh is weak, but the pride is stronger. It can make a little lie last a little bit longer than it was ever intended by whomever intended to send it. Watch the evil manifest that it rendered. And I hope you remember your place in this. Look about a shooting star, go ahead and make a wish. Hopefully it will be granted by the gods. Against all odds, you'll be wise enough to see through the facades. What is the world coming to? I wish I had an answer. Better than seeing human beings as a living cancer. Better than being what I'm seeing, hope I have a chance to raise the consciousness. Peace, y'all, and God bless. Blind world. Aloe Black avec Blind World de l'album Now Again RE Sounds Volume 1. Et on continue notre troisième heure de tout ce qui est autre à la chanson coureur. Voici Israel de The Marvels. Tout de suite. I'm gonna testify. Jesus Christ, my Savior. the victory. He fills me with doubt. Hallelujah. He gave his life for us. Israel de The Marvels, de la compilation Reggae Sunday Service Volume 8. Remettons un petit peu d'ordre dans tout ce qu'on vient d'entendre. On a entendu plusieurs styles de musique. On a commencé par le rap anglophone. C'était la compilation Now Again RE Sounds Volume 1. Et on a entendu l'artiste Aloe Black avec Blind World, une pièce qui était previously unreleased. Aloe Black qui fait dans le hip-hop soul R&B de Los Angeles en Californie. Vous pouvez aller voir le aloeblack.com, aloeblack.com. Ou encore le myspace.com/aloeblackmusic qui va être en spectacle un petit peu partout dans le monde, à des endroits aussi variés que Londres, la Norvège, et puis Belfort. Belfort, d'accord. Donc Aloe Black, c'est encore une fois la compilation Now Again RE Sounds Volume 1. Ensuite, l'autre disque qu'on a entendu ensuite, c'était Reggae avec Reggae Sunday Service Volume 8, voilà. Mettant en vedette The Marvels, Osman Collins, Carlene Davis, Ken Parker, J.C. Lodge. Donc le thème un petit peu, c'est du reggae dans une église, comme le montre si bien la pochette. Et puis voilà, le groupe c'était The Marvels avec Israel. J'ai pas vraiment trouvé d'informations sur The Marvels, mais bon, quand même. Maintenant, on continue notre troisième heure de tout ce qui est autre ici à la Chance au Coureur, c'est-à-dire ce qui n'est pas francophone, ce qui n'est pas alternatif punk, alternatif anglophone en général. Donc, on parle de heavy metal, on parle de musique actuelle, de jazz, de roots, de folk, de reggae et de rap. Maintenant, on est rendu à la compilation 2007 Sampler de Black Hen Music. Black Hen Music, qui est une étiquette, évidemment, qui publie des CD de différents artistes. Donc, ça s'appelle Original and Innovative Roots Folk and Jazz from Canada. Donc, on va entendre une pièce de Joey Wright. Son album s'appelle Jalopy et sa pièce s'appelle Robot Two Step. C'est tout de suite à la chance, au coureur, à C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Ta-da-da-da-da-da. quelle fin classique pour cette pièce de Joey Wright. Robot Two Step de son album Jalopy de 2007. Ça vient de la compilation Black End Music 2007 Sampler Original and Innovative Roots Folk and Jazz from Canada. Ici à la chance au courant pour plus d'infos et pour en savoir plus sur les disques de ces artistes, dont Jim Burns, Steve Dawson, Jenny Whiteley, Great Uncles of the Revolution et plusieurs autres, allez voir blackhenmusic.com, blackhenmusic.com. Voilà. Maintenant, on continue notre troisième heure de tout ce qui est autre à la chance au coureur. On a fait jusqu'à maintenant, ou fait même, je dirais, on a fait du reggae, on a fait du roots, on a fait du rap. Maintenant, on passe à de la musique actuelle. Ceux qui ne connaissent pas la musique actuelle, vous allez bientôt découvrir quelque chose de complètement différent. Et je vais lire le petit autocollant à poser sur l'album de Élément Kouda. L'album s'appelle Le Village. Et voici, et je cite, Christian Richer est influencé par différents styles de musique. Sa plus grande inspiration vient des esthétiques et des sons des années 70, tels que Tangerine Dream, Alain Goraguer de la trame sonore de Fantastic Planet, Kraftwerk, les émissions de télé qui montrent la nature, et Pink Floyd. En même temps, il aime aussi la musique électronique moderne, telle que Boards of Canada, Matmos, Mouse on Mars et Jan Jelinek. Donc, ce qu'ils nous ont envoyé, c'est ce qu'ils nous ont envoyé. Je peux imaginer que c'est plusieurs personnes. Ça dit quand même Christian Richer. C'est peut-être juste une personne. C'est un maxi de 5 pièces. Et la première est un extrait. Et l'extrait dure 2 minutes 46. On peut s'attendre à quelque chose de très, très long. Donc, Le Village, l'artiste Élément Kouda sur Magnanimous Records. C'est de l'ambient électronique. Vous pouvez aller voir le elementkouda.com, élément K-U-U-D-A.com, myspace.com/elementkouda ou encore magnanimous.org ou encore passer par lunechance.com pour toutes les informations qu'il vous faut. Voici tout de suite l'extrait La Trachée d'Élément Kouda à la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. À C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. L'extrait La Trachée de Élément Kouda. Ce que vous entendiez, c'était de la musique actuelle mélangée avec un petit peu de musique ambiante et électronique. On continue avec le deuxième extrait, ça s'appelle La Tempête et ça vient toujours de leur album Le Village et c'est à la chance au coureur. Restez là parce que plus tard on va entendre du Deadbeat et du Pépé de Luxe. Ça va être quelque chose, ça. Pour l'instant, on continue notre voyage un petit peu spécial. Ça vaut la peine de rester là. voyez, c'est ça l'objectif de la chance au coureur, vous faire découvrir des choses vraiment spéciales, différentes, que vous avez sûrement jamais vraiment entendues avant. En tout cas, à mon avis. Element Kuda avec Le Village, ça c'est l'album, et on vient d'entendre la pièce La Tempête, précédée de l'extrait de la pièce La Trachée, c'est bien ça. Et on va laisser aller le reste de la pièce pendant que je parle. Donc, c'est de la musique ambiante de Montréal, Québec. Vous pouvez aller voir le elementcuda.com ou encore le myspace.com/elementcuda, K-U-U-D-A. Le seul et unique membre est Christian Richer à la composition, la performance et la production. Il va être en spectacle le 26 juin à 21h à l'Absinthe de Montréal, puis le 30 juin à 21h au Cajibi de Montréal aussi. Vous pouvez aller voir des photos de ce qu'il fait, ses amis, et ses influences, on parle entre autres de King Crimson, United States of America, The Strawberry Alarm Clock, il y a un paquet de choses très très obscures à ce que je vois. Il y a du Stereolab, quand même. Donc voilà, Element Kuda, myspace.com/barbic, Element Kuda ou unechance.com pour aller voir tous les liens d'émission d'aujourd'hui. On continue notre troisième heure de tout ce qui est autre. Ici à la chance au coureur, on a entendu jusqu'à maintenant du rap, on a entendu du reggae, du roots, de la musique canadienne. Et là, de la musique actuelle. Maintenant, on passe à de la musique électronique. On a reçu 3 albums de musique électronique cette semaine. Savat and Savalas, Pépé Deluxe. Mais on commence par Deadbeat. L'album s'appelle Journeyman's Annual. Si vous voulez plus d'informations, tout de suite, pendant que la pièce joue, allez voir le myspace.com/deadbeatcomputermusic. Et tout de suite, voici Gimme a Little Slack à la chance au coureur, l'émission des découvertes musicales. Ah, c'est fou, 89.1. Alright then, sit ya. Jakota say, gimme you fi, gimme you fi, gimme you fi, gimme you fi, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme you fi, gimme you fi, gimme you fi, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme you fi, gimme you fi, gimme you fi, gimme, gimme you fi, gimme you fi, gimme you fi, gimme, gimme you fi, gimme you fi, gimme you fi, gimme. Maga girl come, mama, maga girl gimme. Fat girl come, mama, maga girl gimme. Fat girl come, my fat girl gimme. Gimme you fi, gimme you fi, gimme you fi, gimme. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. When you see me come, just girl, just gimme. When you see me pass through, girl, just gimme. When you see me show up, girl, just gimme. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Put on me can't smart, put on me gimme. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Fat girl I come and fat girl I gimme. Skinny girl come and skinny girl gimme. Anyway me pass through, girl, just a gimme. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. She no come and mango, call her stringy. She no have no burger, you shot with her ringy. She fat, maga, and skinny. Anyway, she pass through, girl, just a gimme. Girl, she gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, you fi, gimme, you fi, gimme, you fi, gimme. Gimme, you fi, gimme, you fi, gimme, you fi, gimme. When you see me come, girl, gimme, gimme, gimme. Gimme, you fi, gimme, you fi, gimme, you fi, gimme. Gimme, you fi, gimme, you fi, gimme, you fi, gimme. Put on me condom, put on me jimmy. Fat girl, come on, fat girl, come gimme. Skin girl, come on, skinny girl, gimme. Maga girl, come on, maga girl, gimme. Anyway, me pass through, girl, dem a gimme. Gimme, you fi, gimme, you fi, gimme, you fi, gimme. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Fat girl, come on, fat girl, dem gimme. Skinny girl, come on, skinny girl, gimme. Put on me condom, put on me jimmy. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Gimme, you fi, gimme, you fi, gimme, you fi, gimme. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Gimme, you fi, gimme, you fi, gimme, you fi, gimme. She no come on mango, you call her stringy. She a no bird where you shot with dingy. Look how she fat, a maga and skinny. Anyway, she pass through, cut her, she a gimme. Gimme, you fi, gimme, you fi, gimme, you fi, gimme. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Fat girl, come on, fat girl, and gimme. Skin girl, come on, skinny girl, gimme. Maga girl, come on, maga girl, gimme. Black girl, come on, black girl, then gimme. Fat girl, come on, fat girl, then gimme. White girl, come on, white girl, then gimme. Gimme, you fi, gimme, you fi, gimme, you fi, gimme. Gimme, gimme, gimme, you fi, gimme, you fi, gimme. When you see me come, just gimme, gimme, gimme. Gimme, you fi, gimme, you fi, gimme, you fi, gimme. Put on me condom, put on me jimmy. Fat girl, come on, fat girl, come gimme. Skinny girl, come on, skinny girl, gimme. Maga girl, come on, maga girl, gimme. Do you have no condom, put on me jimmy. She no come on mango, you can't lean stringy. She ain't no bird, but you shot in a bingy. Look how she maga, slim and skinny. Anyway, she pass through, yes, she a gimme. Gimme, you fi, gimme, you fi, gimme, you fi, gimme. Montreal girl, them Montreal gimme. Toronto girl, them the whole of them a gimme. Winnipeg girl, them the whole of them a gimme. Calgary girl, them the whole of them a gimme. Vancouver girl, them the whole of them a gimme. Jamaican girl, whole of them a gimme. American girl, say the whole of them a gimme. US girl, them the whole of them a gimme. London girl, say the whole of them a gimme. Gimme you fi, gimme you fi, gimme you fi, gimme. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Anyway me pass through, gimme you. the mic and now give me. Give me you forgive me. Put on me condom, put on me Jimmy. Give me you forgive me. Anytime you see me come, give me you forgive me. Give me. Fat girl come and fat girl come give me. Skinny girl come and give me. Maga girl come and give me. Black girl come, give me. Chinese girl, give me. White girl, come, give me. Flingy, you fi. Give me, you fi. Anytime you see me, just give me, you fi, give me. Put on me condom, put on me Jimmy. Put on me Willie, me say give me, you fi, give me. Give me, you fi, give me. Anytime you see me come, give me. Anytime me pass through, give me, you fi, give me. Give me, you fi, give me. Retour à la chance de courir, plus de Deadbeat et Savat and Savalas. Ah, c'est fou 89 FM. Deuxième pièce de Deadbeat, l'album s'appelle Journeyman's Annual et cette pièce s'appelle Refund Me. Juste avant, c'était la pièce Gimme a Little Snack. Si vous voulez plus d'informations, allez voir techno.ca/deadbeat. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations là-dessus. Il dit que le nouvel album a des voix, du violon et il est super excité. Hein? Il a récemment complété quelques remixes pour d'autres Canadiens, Millimetric et Shen. Les détails pour la sortie de ces albums-là vont être dévoilés bientôt. Vont être dévoilés, oui, en Europe. Et il va être en tournée. Il était en tournée en mars et en avril. Il va être au Japon. Wow, je suis vraiment n'importe comment. Il était au Japon en mai. Voilà, si vous voulez plus d'informations aussi, vous pouvez aller voir myspace.com/deadbeatcomputermusic. C'est du dub reggae expérimental de Montréal et de Berlin. dépendant des membres. Il y a une belle petite biographie sur leur MySpace et des pièces à écouter, dont un remix de Black Stacy, qui est une pièce bonus d'ailleurs sur l'album qu'on écoute en ce moment. Maintenant, on transitionne avec un autre album d'électronique, qui celui-ci vient de... ça vient de Savat et Savalas. L'album s'appelle Golden Pollen et on écoute l'introduction. An ode to Louis Bonfa Introspection Era. Voilà. À la chance au pouvoir, c'est très très court. Restez là. On continue avec une deuxième pièce un peu plus longue. Voici Apnea Obstructiva. Ça vient du groupe d'électronique acoustique mexicain Savat en Savalas. Tout de suite à la chance. Au courage. Estancia. Thank you. Savat and Savalas avec Apnea Obstructiva de l'album Golden Pollen à la chance au coureur. Parlons un petit peu de Savat and Savalas. C'est de l'électronique acoustique du Mexique. Les membres du groupe Scott Heron, tout court, ça dit Guillermo Scott Heron, est un artiste de hip-hop et producteur qui est présentement basé à Barcelone et signé sur Warp Records. Heron sort des CD sous différents alias, surtout Prefuse 73, Savat and Savalas, De La Rosa and Asora et Piano Overlord. Il a commencé sa carrière en tant que DJ chez MGQ, un petit club, une petite boîte de nuit à Atlanta. Il a ensuite commencé à travailler dans des studios commerciaux, mais ensuite a commencé sa propre musique. Voilà. Son premier CD majeur était sous le nom de De La Rosa and Asora en 1997. Et son dernier album, son plus récent, était un album complet Security Screenings pour Prefuse 73. Si vous voulez plus d'informations, allez voir warp.com, warp.com ou encore myspace.com/Savat and Savalas pour le projet de ce nom-là. Voilà, de l'électronique acoustique mexicaine. Maintenant, on passe de l'électronique au dernier album d'électronique. On reste dans le même thème. C'est Pepe Deluxe ou Pepe Deluxe ou Pepe Deluxe ou comme vous voulez. L'album s'appelle Spare Time Machine et on écoute la pièce Pussycat Rock. Et si on se dépêche, il nous reste à peine 20 minutes, on devrait avoir le temps pour la première fois à vie de passer tous les albums qu'on a reçus cette semaine à la chance au coureur. Génial! Tufted beasts up on their heads. And flaps, tassels plus trim, pink parrots on the brim. Your hat's a ruling crown, hold it high when you get down. Happily nearby, drawn by the Eden of your dreams. Your dreams, your dreams, the Eden of your dreams. Paid Lux avec Miss Wilhelmina and Her Hat, pièce du nouvel album Astonishing, New and Patented, à la chance au coureur. Voilà. On laisse la pièce continuer en parlant un petit peu de Pepe Deluxe, qui est un artiste de Finlande. Donc, ben, en fait, c'est une formation composée de James Spectrum, J.A. Jazz, Chris Cote, Paul Maestrum. Il y a un vidéoclip pour la pièce Mischief of Cloud 6 disponible sur le myspace.com/ppdeluxe, P-E-P-E Deluxe, ou encore ppdeluxe.com pour plus d'informations. Et pour écouter des pièces sur le MySpace, Pussycat Rock, Miss Wilhelmina et The Mischief of Cloud 6. Voilà qui fait à peu près le tour pour Pepe Deluxe. Pendant qu'on transitionne de ce, je dirais, très très bon album d'électronique, moi j'ai vraiment aimé ça, on passe à du heavy metal. Ça va être très très différent. Et vous savez, mon rêve tantôt, je partageais ça avec vous, que je voulais, pour, en tout cas, je crois que c'est la première fois, diffuser tous les disques en 3 heures qu'on a reçus, assez fou. Et il nous reste juste 2 albums d'heavy metal. On commence par Caveat et l'album s'appelle Red. Voici la pièce titre tout de suite à la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous sur C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Come on. formation de Calgary en Alberta, Caveat, c'est du métal expérimental progressif. Le nouvel album Red est en magasin maintenant. On écoutait la pièce titre. Si vous voulez plus d'informations sur les membres Greg Musgrave, Joe Sikorski, Kerry Baldwin et Casey Rogers, allez voir le myspace.com/caveatmusic ou encore caveatmusic.com. Votre spectacle un peu partout en Colombie-Britannique et en Alberta. On passe au dernier album de métal et le dernier album qu'on a reçu cette semaine à la Chance au coureur. Voici tout de suite la formation de Truckers, une autre formation canadienne avec l'album Get Rich or Drive Trying et la pièce Diesel, tout de suite à la Chance au coureur. Formation québécoise de Truckers de Rimouski, Québec et Montréal avec la pièce Diesel de leur nouvel album Get Rich or Drive Trying. Petit jeu de mots, Driver's Daily Log. Donc, c'est un groupe de métal, Southern Rock, comme je disais, de Montréal, Rimouski et Québec. Leur site web est au thetruckers.ca ou myspace.com/thetruckersrock. Les membres sont Marcel à la percussion et Sommeil au volant, Bob à la guitare et Être Mature, Pat à la voix et Tragédie, Renaud à la voix et Banque à Piton, David à la guitare et Crise épileptique, Hilary à la basse et Le Nationalisme Saint-Flavien. Votre en spectacle à Trois-Rivières au Maquisard le 29 juin prochain à 20h, c'est-à-dire vendredi. Il va être aussi à Québec le 28 à 20h, c'est à l'Agité. Ensuite, ils vont être à Saint-Hyacinthe, Desjely, Rimouski, Rivière-du-Loup, Jonquière, Drummondville et Montréal. Allez voir leur vidéoclip pour Redneck plus Ultra sur myspace.com/thetruckersrock. Waouh, ça en fait vraiment beaucoup de choses qu'on a écoutées cette semaine. Et à l'intérieur des 20 albums environ, je crois que c'était 22 le chiffre exact qu'on a écouté aujourd'hui, j'ai couronné la formation canadienne Two Hours Traffic avec leur album Lil Jabs. C'est ce qui va conclure l'émission avec la pièce Stolen Earrings, la 8e de leur album. Waouh, le métal va se calmer pour pouvoir transitionner plus relax vers la prochaine formation. Voilà qui termine pour l'édition de cette semaine de La Chance au coureur. Mon nom est Mathieu Plante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous comme à chaque semaine et d'avoir découvert ces choses. Merci d'avoir l'esprit ouvert comme ça. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Ça, c'est les jeudis, les samedis et les mardis à midi. Dans les palmarès, c'est fou les vendredis soirs à 17h et les jeudis à 14h. Et dans La Chance au coureur, qui est en direct les vendredis matins à 10h. Et en rediffusion les samedis et mardis à 14h. Retrouvez la balado de la balado-diffusion de l'émission et tous les liens de l'émission d'aujourd'hui sur le www.unechance.com de la part de toute l'équipe fictive de La Chance au coureur. Mon nom est Mathieu Plante, bonne journée et bonne chance! Everybody's going up, and they all wanna see. surprise, and I hear what you're saying. I just know you're gonna rise, rise to the occasion. Right or wrong, and you should wear.